Section 3 de Vie de Rancé de François-René de Chateaubriand. Lue par Christiane Johan. Livre deuxième. Il existe un traité de 230 pages, in 12, imprimé à Cologne, chez Pierre Marteau, 1685. Il porte deux titres. Les véritables motifs de la conversion de l'abbé de la Trappe, avec quelques réflexions sur sa vie et sur ses écrits, ou les entretiens de Timocrate et de Philandre sur un livre qui a pour titre « Les saints devoirs de la vie monastique ». Je parlerai dans un autre endroit de cette seconde partie. Ce que j'en vais citer actuellement n'est introduit que par incidence. On lit. Je vous ai déjà dit que l'abbé de la Trappe étoit un homme galant et qui avoit eu plusieurs commerces tendres. Le dernier qui est éclaté fut avec une duchesse fameuse par sa beauté et qui, après avoir heureusement évité la mort au passage d'une rivière, la rencontra peu de mois après. L'abbé qui alloua de temps en temps à la campagne y étoit lorsque cette mort imprévue arriva. Ses domestiques, qui n'ignoraient pas sa passion, prirent soin de lui cacher ce triste événement qu'il apprit à son retour. Il n'y a rien de vrai dans ce qu'on rapporte de Madame de Montbazon, dit Saint-Simon, mais seulement les choses qui ont donné cours à une fiction. Je l'ai demandé franchement à Monsieur de la Trappe, non pas grossièrement l'amour et beaucoup moins le bonheur, mais le fait, et voici ce que j'ai appris. Et qu'a-t-il appris ? L'autorité serait décisive si la réponse était péremptoire. Au lieu de s'expliquer, le duc de Saint-Simon convole au récit des liaisons de Rancé avec les personnages de la Fronde. Il affirme du reste, comme Don Gervaise, que Marie de Bretagne fut emportée par la rougeole, que Rancé était auprès d'elle, qu'il ne la quitta point, et lui vit recevoir les sacrements. L'abbé Le Boutillier, ajoute-t-il, s'en alla après à sa maison de Verrès, ce qui fut le commencement de sa séparation du monde. Cette fin de narration prouve à quel point Saint-Simon se trompait. Les contemporains admirateurs de Rancé semblent s'être donné le mot pour se taire sur sa jeunesse. Ils ne s'aperçoivent pas qu'ils diminuent la gloire de leur héros en rendant ses sacrifices moins méritoires, d'autant plus qu'ils en disent assez pour être entendus sur ce qu'ils omettent. Tantôt annonçant qu'un religieux s'était enseveli à la Trappe pour avoir fait ce qui avait troublé Rancé, tantôt que Rancé lui-même ne cessait de pleurer ses fragilités. L'abbé de Rancé, livré à toutes les séductions du monde, dit le cardinal de Beausset, se précipita dans un genre de vie peu conforme à la sainteté de son état et qui dégradait en quelque sorte le triomphe qu'il avait obtenu sur son illustre émule. L'abbé de Rancé expiait sous la haie et le cilice les erreurs de sa jeunesse. Maupeou, l'un des trois historiens contemporains de l'abbé de la Trappe, avait lu le récit de la Roque. Il combat ce récit sans le détruire. La seule chose nouvelle qu'il nous apprenne est l'exhortation faite par Rancé à la mourante. Madame de Montbazon envoya un gentilhomme complimenter M. de Brienne, avec lequel elle était brouillée. Maupeou avait fait un ouvrage, exprès, contre la Roque. Rancé, informé de l'intention du curé de Nonancourt, se hâta de lui écrire. « Votre ouvrage, monsieur, relèvera la critique, donnera sujet à des répliques, m'attirera un nombre infini d'ennemis sur les bras. Dieu sait combien j'ai d'estime et de considération pour vous. Cependant, je suis pressé de vous conjurer de supprimer la chose, s'il est possible. J'ai été si persuadé que rien n'était meilleur que de garder le silence en cette occasion, que je n'ai point voulu que l'on imprimât ce que j'avais eu envie de mettre dans la préface de la seconde édition des éclaircissements, quoiqu'il n'y eût rien de plus modéré. Je n'ai rien à ajouter à ce billet, mon cher monsieur, sinon que je ne puis vous avoir une obligation plus sensible que celle d'entrer dans ma pensée. 17 mars 1686. La vivacité avec laquelle Rancé écrit à Maupeou décèle des souvenirs alarmés. Le père Bourg, que l'abbé de la Chambre appelait l'empereur des muses, réfute aussi les véritables motifs de la conversion de l'abbé de la Trappe dans son quatrième dialogue, pages 528 et 529. C'est toujours de l'humeur sans preuve. Madame de Sévigné disait, en parlant du révérend critique, « L'esprit lui sort de tous les côtés ». Marsollier, deuxième écrivain de la vie de Rancé, garde le silence. Mais le nain, le troisième, le plus complet, le plus sûr écrivain de cette vie, a entendu parler de la Roque. Pierre le Nain mourut à l'âge de 73 ans, sous-prieur de la Trappe. Il était frère puiné du grand Tillemont. Ami et confident de Rancé, au livre 3, chapitre 9 de la vie du réformateur de la Trappe, il écrit « Outre tous ces libelles, il en parut un autre composé par un huguenot, sous ce titre « Les motifs de la conversion de l'abbé de la Trappe ». Mais l'auteur des homélies familières sur les commandements de Dieu, tome 3, page 378, le réfute admirablement par ces paroles. Je sais qu'un ministre hérétique a fait ce qu'il a pu pour décrier un saint abbé, mais je sais bien aussi que toute la France et les pays circonvoisins ont regardé ce misérable livre comme un libelle diffamatoire, et son auteur comme un imposteur, qui fonde toutes ses calomnies sur des jugements les plus téméraires qui se puissent imaginer, comme si, pour détruire les vertus les plus éclatantes et les plus solides, il n'y avait qu'à dire témérairement qu'elles n'ont point d'autre source que l'orgueil de celui qui les pratique. » Le nain se débarrasse ainsi de la réponse. Les amplifications de l'auteur des homélies familières sont naturelles, mais elles ne détruisent aucune assertion. Sur le fait isolé, lâché par une plume protestante, il est tombé une avalanche de malédictions catholiques. Colère à part, on peut nier les erreurs avancées sur la jeunesse de Rancé, mais on ne peut nier des relations qu'atteste toute l'histoire. On a craint, sans doute, en montrant Rancé pécheur, d'ébranler l'autorité des exemples de sa vertu. Cependant, saint Jérôme et saint Augustin n'ont-ils pas puisé leur dernière force dans leur première faiblesse? Un aveu franc aurait délivré Rancé pour toujours des calomnies. On ne l'accusait pas directement de la faute, il est vrai, car il eût fallu accuser toute la terre, mais on s'en prenait à la vie entière d'un homme pour se soulager de ce qu'il taisait. Il faut dire néanmoins que le silence de Rancé est effrayant, qu'il jette un doute dans les meilleurs esprits. Un silence si long, si profond, si entier, est devant vous comme une barrière insurmontable. Quoi ? Un homme n'a pas pu se démentir un seul instant ? Quoi ? Le silence absolu pourrait passer pour une vérité ? Cet empire d'un esprit sur lui-même fait peur. Rancé ne dira rien. Il emportera toute sa vie dans son tombeau. Il faut trembler devant un tel homme. Ainsi, ni ceux qui rejettent l'anecdote de la Roque, ni ceux qui l'accueillent, n'apportent aucune preuve de leur négation ou de leur affirmation. Les incrédules n'ont pour eux que l'invraisemblance du cercueil trop court. Il était si facile, en effet, de l'allonger pour donner l'espace nécessaire à cette belle tête qui s'était si souvent inclinée sur le sein de la vie. Mais supposez avec Saint-Simon, comme il l'insinue, que la décollation ne fût que l'œuvre d'une étude anatomique, tout s'expliquera. Il ne serait pas impossible qu'après le décès de Madame de Montbazon, Rancé eût obtenu la relique qu'il avait adorée. Marguerite de Valois et la duchesse de Nevers firent embaumer les têtes de Coconnas et de la Mole, leurs amants décapités, et elles les gardèrent parmi les marques de leur amour. Journal de Henri III. Tous les poètes ont adopté la version de la Roque. Tous les religieux l'ont repoussée. Ils ont eu raison, puisqu'elle blessait la susceptibilité de leur vertu, puisqu'ils ne pouvaient pas détruire le récit de la Roque par un démenti appuyé d'un document irrécusable. Mais au lecteur indifférent, il est permis, à défaut de preuves positives, d'examiner des preuves négatives. J'ai déjà fait remarquer que Marsollier se tait sur Madame de Montbazon, silence favorable à l'opinion de la Roque. Ce même chanoine, Marsollier, ajoute cette réflexion à son silence. La mort et la disgrâce de plusieurs personnes, avec lesquelles Rancé avait de forts attachements, le touchèrent. Un vide affreux, dit-il, occupait mon cœur, toujours inquiet et toujours agité, jamais content. Je fus touché de la mort de quelques personnes et de l'insensibilité où je les vis dans ce moment terrible qui devait décider de leur éternité. Je me résolus de me retirer dans un lieu où je pusse être inconnu au reste des hommes. Dans les corridors de la Trappe, entre diverses inscriptions, on lisait celle-ci, empruntée de saint Augustin. Retinebant nugae nugarum et vanitatas vanitatum antiquae amicae meae. Dans une de ses pensées, Rancé remarque que ceux qui meurent, bien ou mal, meurent souvent plus pour ce qu'ils laissent dans le monde que pour eux-mêmes. Bossuet, transmettant à Rancé les oraisons funèbres de la reine d'Angleterre et de Madame Henriette, lui mande « J'ai laissé l'ordre de vous faire passer deux oraisons funèbres qui, parce qu'elles font voir le néant du monde, peuvent avoir place parmi les livres d'un solitaire et qu'en tout cas, il peut regarder comme deux têtes de mort assez touchantes. » Bossuet connaissait-il ce que l'on racontait de Madame de Montbazon ? Faisait-il allusion à la tête de cette femme en envoyant deux autres têtes s'entretenir avec elle ? La sorte de plaisanterie formidable qu'il se permet ne semble-t-elle pas avoir des rapports avec la légèreté de la première vie de Rancé et la sévérité de sa seconde vie ? On prétend qu'on montrait à la trappe la tête de Madame de Montbazon dans la chambre des successeurs de Rancé, ce que les solitaires de la trappe ressuscités rejettent. Les souvenirs conservés autrefois ne voyaient peut-être pas le front de la victime aussi dépouillé que la mort l'avait fait. On trouve ce passage dans le récit des courses du chevalier de Bertin. Nous voici maintenant à Annay. La petite statue de Diane de Poitiers en pied n'est point sans doute aussi intéressante que la tête même de Madame de Montbazon, apportée à la trappe par l'abbé de Rancé et conservée dans la chambre de ses successeurs. Enfin, les indications des poètes ne sont pas à négliger. La muse n'a pas manqué aux traditions de la trappe. Madame de Tencin, née en 1681, et qui par conséquent avait vécu 19 ans contemporaine de Rancé, écrivit les mémoires du comte de Comminges à travers lesquelles passent des souvenirs. Madame de Montbazon échangeait en cette Adélaïde, solitaire mystérieux qui se fait reconnaître à l'ardeur avec laquelle il creuse son tombeau. Qui avait donné naissance à ce genre d'idées ? Ce sont là d'autres ressorts que les inventions forcenées et les idées difformes qui font maintenant des contorsions dans les ténèbres. Le nom de Comminges est emprunté de celui de l'évêque avec lequel Rancé se promenait sur les Pyrénées. Il arrive souvent qu'on rappelle des personnages étrangers pour cacher des rapports directs. Un nom qui tourmente la mémoire s'y glisse sous mille déguisements. On a une aventure contée par Maupeou de deux frères épris de la même femme et qui, après s'être battus, vécurent plusieurs années à la trappe sans se reconnaître. On a une romance de Florian sur Linval et Arsène. On a une héroïde de Colardeau qui retrace la mort de Madame la Duchesse de Montbazon. Je fuis vers ma demeure, éperdu, tourmenté, la tête et le cercueil étaient à mon côté. Rancé avait fait peindre à la trappe Saint-Jean Climac, poussant des gémissements, et Sainte-Marie égyptienne, assistée par Saint-Zosime. Il composa pour ces deux tableaux des inscriptions. Dans l'épigramme de 12 vers latins adressée à la pénitente, on lisait « Ecce columba gemens, sponsiam san guine lota ». Il faut ajouter à ces semi-indications le désespoir de Rancé, et ce sera au lecteur à se former une opinion. Les annales humaines se composent de beaucoup de fables, mêlées à quelques vérités. Quiconque est voué à l'avenir a au fond de sa vie un roman pour donner naissance à la légende, mirage de l'histoire. Dès le jour de la mort de Madame de Montbazon, Rancé prit la poste et se retira vers Retz. Il croyait trouver dans la solitude des consolations qu'il ne trouvait dans aucune créature. La retraite ne fit qu'augmenter sa douleur. Une noire mélancolie prit la place de sa gaieté. Les nuits lui étaient insupportables. Il passait les jours à courir dans les bois, le long des rivières, sur les bords des étangs, appelant par son nom celle qui ne lui pouvait répondre. Lorsqu'il venait à considérer que cette créature, qui brilla à la cour avec plus d'éclat qu'aucune femme de son siècle, n'était plus, que ses enchantements avaient disparu, que c'en était fait pour jamais de cette personne qu'il avait choisie entre tant d'autres, il s'étonna que son âme ne se séparât pas de son corps. Comme il avait étudié les sciences occultes, il essaya les moyens en usage pour faire revenir les morts. l'amour reproduisait à sa mémoire ornée le sacrifice de Cimette, cherchant à rappeler un infidèle par un des noms d'un passereau consacré à Vénus. Il invoquait la nuit et la lune. Il eut toutes les angoisses et toutes les palpitations de l'attente. Madame de Montbazon était allée à l'infidélité éternelle. Rien ne se montra dans ces lieux sombres et solitaires que les esprits se plaisent à fréquenter. Toutefois, si Rancé n'eut pas les visions des poètes de la Grèce, il eut une vision chrétienne. Il se promenait un jour dans l'avenue de Véretz. Il lui sembla voir un grand feu qui avait pris au bâtiment de la basse-cour. Il y vole, le feu diminue à mesure qu'il en approche. À une certaine distance, l'embrasement disparaît et se change en un lac de feu, au milieu duquel s'élève à demi-corps une femme dévorée par les flammes. La frayeur le saisit. Il reprend en courant le chemin de la maison. En arrivant, les forces lui manquent. Il se jette sur un lit. Il était tellement hors de lui qu'on ne put, dans le premier moment, lui arracher une parole. Ses convulsions de l'âme se calmèrent. Il n'en resta à Rancé que l'énergie d'où sortent les vigoureuses résolutions. Don Jean-Baptiste de la Tour, prieur de la Trappe, avait écrit une vie de Rancé. Il était resté de ce travail quelques copies manuscrites dont on a cité des passages, entre autres celui-ci. « Pendant que je suivais l'égarement de mon cœur, c'est Rancé qui parle, j'avalais non seulement l'iniquité comme de l'eau, mais tout ce que je lisais et entendais du péché ne servait qu'à me rendre plus coupable. Enfin, le temps bienheureux arriva où il plut au Père des miséricordes de se tourner vers moi. Je vis à la naissance du jour le monstre infernal avec lequel j'avais vécu. La frayeur dont je fus saisi à cette terrible vue fut si prodigieuse que je ne puis croire que j'en revienne de ma vie. Rancé eut recours à la pénitence. La mère Louise, religieuse de la Visitation de Tours, lui indiqua pour directeur le père Séguenot. Cette mère Louise n'était autre que Louise Roger de la Mardelière, appelée la belle Louison, jadis maîtresse de Gaston. Louison, dit mademoiselle de Montpensier, parlant de son enfance, était brune, bien faite, agréable de visage et de beaucoup d'esprit. Je dis à madame de Saint-Georges, si Louison n'est pas sage, je ne la veux point voir, quoique mon papa l'aime. Madame de Saint-Georges me répondit qu'elle l'était tout à fait. C'était à cette mère Louise que Rancé s'adressa d'abord. Partout, dans le changement de mœurs qui s'opérait, des pénitentes échappées du monde avaient dressé des embûches pour s'emparer des repentirs, comme il y avait des pécheresses qui cherchaient à retenir les déserteurs. À la Visitation se trouvaient les écueils d'une première existence. La mère, Louise, possédait plus de 200 lettres de Rancé, lettres qui étaient sans doute la partie de la vie de Rancé sur laquelle il serait si curieux d'avoir des renseignements. De la direction du père Séguenot, Rancé passa sous la conduite du père de Mouchy, homme instruit et bien né. Des avertissements sous différentes formes arrivaient de toutes parts à Rancé. Dans les obligations des chrétiens, il raconte cette agréable histoire. Un jour, je joignis un berger qui conduisoit un troupeau dans une grande campagne, par un temps qui la voit obligée à se retirer à l'abri d'un grand arbre pour se mettre à couvert de la pluie et de l'orage. Il me dit que celui étoit une consolation de conduire ces bêtes simples et innocentes, et qu'il ne voudra pas quitter la terre pour aller dans le ciel s'il ne croyoit y trouver des campagnes et des troupeaux à conduire. À Véretz, au lieu de se plaire dans l'ancienne maison de ses délices, Rancé fut choqué de sa magnificence. Les meubles éclataient d'argent et d'or, les lits étaient superbes. La mollesse même s'y serait trouvée trop à l'aise, dit un classique du temps. Les salons étaient ornés de tableaux de prix, les jardins délicieusement dessinés. C'était trop pour un homme qui ne voyait plus rien qu'à travers ses larmes. Il mit la réforme partout. La frugalité remplaça le luxe de sa table. Il congédia la plupart de ses domestiques, renonça à la chasse et s'abstint du dessin, art qu'il aimait. On avait des paysages de sa façon et des cartes de géographie. Quelques amis, revenus de même que Rancé à des pensées chrétiennes, s'associèrent à lui pour commencer ces mortifications dont il devait donner de si grands exemples. Il semblait jouer à la pénitence pour l'apprendre avant de la pratiquer. On assiste avec intérêt à cette conquête de l'homme sur l'homme. « Ou l'Évangile me trompe, répétait-il, ou cette maison est celle d'un réprouvé. » Rappelé un moment à Paris pour une affaire, il se logea à l'oratoire. C'était un travail continuel pour lui d'échapper à ses pensées qu'il avait nourries si longtemps. Un grand solitaire en fut atteint dans des sépulcres. Saint Jérôme portait, pour noyer ses pensées dans ses sueurs, des fardeaux de sable le long des steppes de la mer morte. Je les ai parcourus moi-même, ces steppes, sous le poids de mon esprit. Deux tentatrices cherchèrent Rancée. Elles lui dirent qu'elles n'étaient point à comparer à la belle personne qu'il pleurait, mais qu'elles avaient pour lui des sentiments qui ne le cédaient en vivacité à aucun de ceux qu'il avait inspirés. Rancée se munit d'un crucifix et s'enfuit. On conseilla à Rancée de se consacrer aux missions. Aller aux Indes, errer dans les rochers de l'Himalaya, et il y avait là des analogies avec la grandeur et la tristesse du génie de Rancée, mais il était appelé ailleurs. Poussé par ses malheurs, retenu par ses habitudes, Rancée n'avait point encore renoncé à ses emplois. Le temps de son quartier de service, comme aumônier du duc d'Orléans, était revenu. Il se rendit à Blois. Il avait déjà hasardé auprès du prince des idées de retraite. L'entrée en religion de la mère Louise avait mûri dans Gaston ses idées. La maîtresse convertie priait à la Visitation, à Tours, pour faire une violence à la miséricorde de Dieu. Il fut convenu que Gaston se retirerait au château de Chambord avec 12 de ses plus fidèles serviteurs. Rancée fut choisi pour accompagner le prince. Le Boutillier possédait, près du parc de Chambord, un prieuré de l'ordre de Gramont. Ce prieuré était desservi par 7 ou 8 religieux. On n'apercevait pas de cet endroit le faîte de l'édifice qui devait éclater du rire immortel de Molière. Le roi, dit le chevalier d'Arvieux, ayant voulu faire un voyage à Chambord pour y prendre le divertissement de la chasse, voulut donner à sa cour celui d'un balai. Et comme l'idée des Turcs qu'on venait de voir à Paris était encore toute récente, il crut qu'il serait bon de les faire paraître sur la scène. Sa Majesté m'ordonna de me joindre à messieurs de Molière et de Lully pour composer une pièce de théâtre où l'on pût faire entrer quelque chose des habillements et des manières des Turcs. Je me rendis pour cet effet au village d'Auteuil où monsieur de Molière avait une maison fort jolie. Ce fut là que nous travaillâmes à cette pièce de théâtre que l'on voit dans les œuvres de Molière sous le titre du bourgeois gentilhomme. Cette pièce fut en effet jouée à Chambord devant Louis XIV pour la première fois le 14 octobre 1670. Quand on arrive à Chambord, on pénètre dans le parc par une de ces portes abandonnées. Elle s'ouvre sur une enceinte décrépite et plantée de violiers jaunes. Elle a 7 lieues de tour. Dès l'entrée, on aperçoit le château, au fond d'une allée descendante. En avançant sur l'édifice, il sort de terre dans l'ordre inverse d'une bâtisse placée sur une hauteur, laquelle s'abaisse à mesure qu'on en approche. François Ier, arrière-petit-fils de Valentine de Milan, s'était enseveli dans les bois de la France à son retour de Madrid, et le disait comme son aïeul « Tout ne m'est rien, rien ne m'est plus ». Chambord rappelle les idées qui occupaient le roi soldat dans sa prison, femme, solitude, rempart. Quand le roi sortit de France, en malheur, il en sortit le dimanche, et le lundi, il fut pris. Chambord n'a qu'un escalier double, afin de descendre et monter sans se voir. Tout y est fait pour les mystères de la guerre et de l'amour. L'édifice s'épanouit à chaque étage. Les degrés s'élèvent, accompagnés de petites cannelures comme des marches dans les tourelles d'une cathédrale. La fusée, en éclatant, forme des dessins fantastiques qui semblent avoir retombé sur l'édifice. Cheminées carrées ou rondes, enjolivées de fétiches de marbre, semblables aux poupées que j'ai vues retirer des fouilles à Athènes. De loin, l'édifice est une arabesque. Il se présente comme une femme dont le vent aurait soufflé en l'air la chevelure. De près, cette femme s'incorpore dans la maçonnerie et se change en tour. C'est alors Clorinde, appuyée sur des ruines. Le caprice d'un ciseau volage n'a pas disparu, la légèreté et la finesse des traits se retrouvent dans le simulacre d'une guerrière expirante. Quand vous pénétrez en dedans, la fleur de lys et la salamandre se dessinent dans les plafonds. Si jamais Chambord était détruit, on ne trouverait nulle part le style premier de la Renaissance, car à Venise, il s'est mélangé. Ce qui rendait à Chambord sa beauté, c'était son abandon. Par les fenêtres, j'apercevais un parterre sec, des herbes jaunes, des champs de blé noir, retracement de la pauvreté et de la fidélité de mon indigente patrie. Lorsque j'y passais, il y avait un oiseau brun de quelque grosseur qui volait le long du Causson, petite rivière inconnue. L'abbé Le Boutillier se logea parmi les moines de son prieuré. De quelque côté qu'on ouvrit une fenêtre, on ne voyait que des bois. Le château, près duquel n'a pas même pu se former un village, est frappé de malédiction. Touché par le vainqueur de Marignan, prisonnier à Madrid, par nos soldats dispersés après Waterloo, par les marques de notre attachement à nos rois avant les journées de juillet, on aperçoit partout des traces de gloire et de malheur. Les chiffres de la duchesse d'Étampes, devancière de la comtesse de Chateaubriand, attirent les yeux, traces périssables de beautés évanouies. François Ier, qui sentait l'inanité de ses plaisirs, avait gravé avec la pointe d'un diamant ces deux vers sur un carreau de vitre. Souvent femme varie, malhabile qui s'y fit. Jeu d'un prince qui avait fait déterrer l'or pour la regarder. Où est le carreau de vitre? Des Français s'associèrent dans le dessein d'acquérir pour Henri, non encore banni, un parc abandonné dans un royaume conquis par ses pairs. Courrier éleva la voix contre l'acquisition, et le jeune homme innocent auquel il avait voulu arracher Chambord a survécu. Cet orphelin vient de m'appeler à Londres. J'ai obéi à la lettre close du malheur. Henri m'a donné l'hospitalité dans une terre qui fuit sous ses pas. J'ai revu cette ville témoin de mes rapides grandeurs et de mes misères interminables, ces places remplies de brouillards et de silences, d'où émergèrent les fantômes de ma jeunesse. Que de temps déjà écoulé depuis les jours où je rêvais René dans Kensington jusqu'à ces dernières heures. Le vieux banni s'est trouvé chargé de montrer à l'orphelin une ville que mes yeux peuvent à peine reconnaître. Réfugié en Angleterre pendant 8 années, ensuite ambassadeur à Londres, lié avec Lord Liverpool, avec M. Canning et avec M. Croker, que de changements n'ai-je pas vu dans ces lieux, depuis George IV qui m'honorait de sa familiarité jusqu'à cette Charlotte que vous verrez dans mes mémoires. Que sont devenus mes frères en bannissement? Les uns sont morts, les autres ont subi diverses destinées. Ils ont vu comme moi disparaître leurs proches et leurs amis. Sur cette terre où l'on ne nous apercevait pas, nous avions cependant nos fêtes et surtout notre jeunesse. Des adolescentes qui commençaient la vie par l'adversité apportaient le fruit semainier de leur labeur afin de s'éjouir à quelque danse de la patrie. Des attachements se formaient. Nous prions dans des chapelles que je viens de revoir et qui n'ont point changé. Nous faisions entendre nos pleurs le 21 janvier, tout émus que nous étions d'une oraison funèbre prononcée par le curé émigré de notre village. Nous allions aussi le long de la Tamise, voir entrer au port des vaisseaux chargés des richesses du monde, admirer les maisons de campagne de Richmond, nous si pauvres, nous privés du toit paternel. Toutes ces choses étaient de véritables félicités. Reviendrez-vous, félicité de ma misère? Ah, ressuscité, compagnon de mon exil, camarade de la couche de paille, me voici revenu. Rendons-nous encore dans les petits jardins d'une taverne dédaignée pour boire une tasse de mauvais thé en parlant de notre pays, mais je n'aperçois personne, je suis resté seul.